Musique ? Toi, musique. Ton ami veut de la musique. Branche la guitare. Branchez le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert, vous appuyez et plaf ! Quelqu'un de tout à fond, je vous fais chier avec ces rouvertes. Tu crois que ça va être tout à fond, le rock, c'est tout à fond. Cool, tu vas te coller un ulcère avec ton agressivité. Bienvenue à toutes et tous dans les Générations Rock, une émission de Radio Fadjet qui vous propose un voyage musical entre les années 1960 et 2010. Ce soir, je ne suis pas seul en studio, on est même trois, et on va commencer par Marc. Salut Marc. Bonjour tout le monde. T'es stagiaire à Radio Fadjet, et tu aimes le rock, c'est quoi tes groupes préférés ? J'aime beaucoup Depeche Mode, Europe et Survivor. Ok, et on a aussi Jérôme, salut Jérôme. Bonjour Stéphane, bonjour Marc. Bonjour. À tes heures perdues, tu es compositeur, Jérôme, et chanteur. Tu peux nous en dire plus sur cette passion ? Eh bien, en fait, c'est une vieille passion de plus de 30 ans qui m'est venue progressivement avec tous les groupes indés que j'écoutais à l'époque, seul, dans ma chambre noire. Il y avait les Pixies, les Pavement, les Smiths, les Tindersticks, Sonic Youth, sans oublier Dominica et tellement d'autres. Leur musique me fascinait et me fascine encore aujourd'hui. Mais comment on peut faire ça, je me disais à l'époque. On écoutera une de tes chansons durant l'émission, et puis tu nous as fait une sélection de 5 groupes que tu aimes et dont tu nous parleras. Oui, une sélection assez monolithique, je te dirais, mais qui marque mon attachement à la musique indé, pop rock et garage punk rock. Mais j'ai oublié Dominica. Alors, on a commencé l'émission avec J'ai vu de Niagara, sorti en 90 sur l'album Religion. Niagara est issu de la scène rennaise des années 80, qui comprenait des groupes tels que Marquis de Sade, Les Nus, Marc Sébert ou encore Étienne Dao. Avec l'album Religion, le groupe branche l'électricité avec un son très rock, qui sera malgré tout un succès commercial. A noter qu'en 91, suite à la présence de l'armée française dans la coalition internationale qui mena la guerre en Irak, le titre J'ai vu se voit interdit de passage radio. Autre artiste de la scène rennaise, voici Dominique Sonic, qui sortit 5 albums bourrés de riffs avant de mourir à l'âge de 55 ans. Et on s'en fout. pages de leur cahier. À pouvoir partir et mourir avec. Elle laissait de shadow et oubliait les mots du salon. La Rage, titre de Noir Désir sur leur premier mini LP, Où veux-tu que je regarde, sorti en 87 et produit par Théo Acola du groupe Passion Fooder. Théo Acola, qui découvrit le groupe lors d'un concert à Bordeaux, fut enthousiaste et les présenta à un directeur artistique de la maison de disques Barclay, qui les signèrent. On connaît la suite de la saga. À toi Jérôme pour nous présenter ton premier choix de groupe. Crystal Steels, qui veut dire littéralement en français « les échasses de cristal » ou en d'autres termes « être plus haut avec le cristal », est un groupe garage rock psyché, originaire de Floride mais depuis basé à Brooklyn. Il s'est formé en 2003, mais c'est seulement en 2008 qu'il publiera son premier album « A Light of Night », en français dans le texte « Lumière de nuit » sur le label Slumberland Records. Le groupe nous propose une musique tout en clair-obscur, souvent emplie d'un bel écho « old school ». D'ailleurs, leur sonorité navigue aisément entre celle du Velvet Underground et celle plus post-punk de Joy Division. Departure, le titre que je vous propose d'écouter, est donc un extrait de leur premier opus, A Light of Night. C'est aussi le single qui les a fait connaître en 2008. Oh merde. We'll be right back. Isolation de Joy Division sur l'album culte Closer, sorti en juillet 80, soit 2 mois après le suicide du chanteur Ian Curtis. Après ces 2 morceaux plutôt froids, on va réchauffer l'ambiance à coups de guitare bien nerveuse. On va écouter Placebo avec Nancy Boy sur leur premier album sorti en 96. Nancy Boy est une expression anglaise, désuète et péjorative pour désigner un homme efféminé. Ainsi, la chanson se fout de la gueule des expressions et des comportements machos et des mots comme « pédé » et « tapette ». In Nowhere des Nord-Irlandais Therapy, sorti en 94 sur leur excellent troisième album Trouble Gum, opus sur lequel on trouve une reprise d'Isolation qu'on a écouté précédemment. Vous écoutez les Générations Rock sur Radio Fadjet, et ce soir je ne suis pas seul en studio, je suis accompagné des deux autres personnes, dont Marc qui fait son stage de communication à Fadjet. Alors Marc, début d'émission, ça t'a plu ? Pas trop bien, on a déjà appris des nouvelles musiques, donc je suis trop content. Et je suis aussi avec Jérôme qui va nous parler maintenant des Strokes. Ah, les Strokes, on ne les présente plus ou presque, car le groupe originaire de New York en 1998 a élevé sa renommée dès le début des années 2000, comme étant l'un des groupes phares du renouveau du garage rock et du post-punk, rien que ça. Ils sont souvent désignés d'ailleurs comme les héritiers du Velvet Underground, tiens, encore eux, et de Television, le groupe du regretté Tom Verlaine. Leur nom est en lui-même, comme leur musique, une contradiction, car « a stroke » signifie à la fois une caresse, mais aussi un coup porté. Le titre, « Undercover of Darkness », que j'ai choisi de vous faire écouter, est tiré de leur quatrième opus, « Angles ». Il est paru le 21 mars 2011 sur le label Rough Trade Records. La voix du chanteur et leader charismatique, le célèbre Julian Casablanca, y est juste magnifique, et les guitares de Nick Valenzi et d'Albert Hammond Jr. le sont tout autant. Je vous laisse en juger. J'en profite aussi pour dédicacer ce merveilleux single à la non moins merveilleuse Anne-Marie, une fan de la première heure. Joining morning. To feel the daybreak on my face. There's a blood that's flowing through the feeling. With a knife to open up the sky's veins. Some things will never change. They stand there looking backwards, half unconscious from the pain. It may seem rearranged. In the backwater swirling, there is something that'll never change. And when I should have been done a long time, it laughs and says I find ways. Just when we're sheltered under paper, the rockets come at us sideways. Something will never change. They're standing looking backwards, half unconscious from the pain. They may seem rearranged. In the backwater swirling, there is something that'll never change. And hey, I'm blind. Face. There's a blood that's flowing through the ceiling. With a knife to open up the sky's veins. Some things will never change. They just stand there looking backwards, half unconscious from the pain. They may seem rearranged. In the backwater swirling, there is something that will never change. Some things change. They stand here looking backwards, half unconscious from the pain. They may seem rearranged. In the backwater swirling, there is something that'll never change. Puppets avec Blackwater sur l'album To Eye To Die en 94. Groupe indé, ils se retrouvent sous les feux de la rampe grâce à Kurt Cobain qui les invite lors du fameux MTV Unplugged de Nirvana où deux de leurs morceaux seront joués. Place à toi Jérôme puisque l'on va écouter une de tes compositions. Déjà, sous quel nom signes-tu tes morceaux vu que c'est Jérôme, c'est déjà pris. On m'a déjà fait celle-là Stéphane. Ouais, une fois de plus. Mi mediana rendra. Ça veut dire ma moitié d'orange en espagnol. Et nous étions... Non, t'as peut-être une question à me poser. Et nous étions, mon ex-compagne et moi à l'époque, nous avons enregistré ces morceaux, enfin les deux moitiés de la même orange. Mais aussi parce qu'il s'agit d'un titre d'un merveilleux album que j'adore, qui s'appelle La Bradford. Comment te vient l'idée d'une chanson et comment composes-tu et enregistres-tu ? Je sais pas, c'est assez mystérieux tout ça. Enfin, une question d'état d'esprit, de climat, de rencontres, de ruptures aussi, et certainement le besoin d'évacuer des choses. Alors tu prends une guitare, tu essaies de trouver les bons accords pour t'accompagner les idées, enfin les mélodies qui te passent par la tête. Ça peut prendre des plombes, c'est laborieux même parfois. Es-tu perfectionniste au point d'enregistrer 50 versions, ou alors laisses-tu couler selon ton inspiration? Comme j'ai aucune contrainte, vraiment aucune, puisque j'ai pas de contre avec quiconque, je peux faire un peu ce que je veux. Donc je peux aussi bien passer des plombes sur une prod ou ne pas toucher un morceau parce que je trouve qu'il est bien, quoi. Voilà. Mais souvent, quand je reste des plombes sur une production, ça donne de la merde. Donc j'évite. Alors on va écouter Ghost. Veux-tu nous parler de cette chanson? Bah Ghost, c'est un peu compliqué parce que c'est une chanson qui parle d'une amie qui est décédée d'une overdose à 25 ans. Une amie qui s'appelait Sandra. C'était Ghost de Mimedia Narendra et j'espère que vous avez apprécié. T'as aimé toi Marc ? Moi j'ai kiffé franchement, moi ce que je vous conseille c'est mettez-vous dans votre lit, fermez les yeux et vous dormez. Alors Jérôme, où peut-on écouter tes chansons ? Sur Bandcamp Stéphane, en tabulant Mimedia Narendra, alors Narendra s'écrit N-A-R-A-N-J-A dans la barre de recherche du site bien sûr, et l'album s'appelle The Jetty, voilà. toute façon, il y a déjà un lien vers la page Bandcamp. C'est déjà disponible sur la page Facebook de l'émission Les Générations Rock. Alors, quel thème en général tu abordes dans tes compositions ? Eh bien, comme vous avez pu le constater, pas forcément toujours des thèmes réjouissants, mais parfois des textes sur l'amitié, l'amour, la famille, sans oublier ma fascination pour les grands espaces, les océans, les ciels étoilés, les forêts, toutes ces choses immenses qui nous entourent et nous dépassent. En tant qu'amateur de musique, es-tu du genre à te concentrer uniquement sur quelques groupes ou as-tu une discothèque XXL ? J'aime toutes les maisons, j'aime toutes les musiques, pardon, sans restriction, et je suis fan d'aucune, plutôt curieux de toutes. En revanche, dans tous les genres, j'aurais mes préférences. Bah oui, il y a des trucs pour lesquels j'adhère, puis des trucs auxquels j'adhère pas du tout, quoi. Alors l'interrogatoire est fini. Merci Stéphane, hein, pour la lumière dans les yeux. Ça fait pas de mal, c'est les bonnes méthodes. Et maintenant, place à REM avec Man on the Moon. Thank you. IDM sur Radio Fat Jet. Et maintenant, Jérôme, tu vas nous présenter le groupe Slint. Slint, le groupe que nous allons écouter est considéré comme l'un des pionniers du post-rock. Formé fin des années 80 et originaire de Louisville, dans le Kentucky, il n'aura publié que deux albums. Tweez en 1989, produit par l'immense et regretté Steve Albini, et surtout Spiderland en 1991, lequel introduira une musique novatrice, largement instrumentale et caractérisée par des rythmes lancinants, des mélodies déstructurées et une ambiance assez sombre. Des lentes montées de guitare et de la rigueur quasi mathématique de la construction des morceaux se dégage une profonde tension soutenue par des textes énigmatiques. Spiderland est donc le second et dernier effort de Slint, dont la photo d'album a été réalisée par un autre illustre musicien de Louisville, un certain Will Oldham, dixit Bonnie Prince Billy. Voici donc, rien que pour vous, chers auditeurs, le titre d'ouverture de ce disque monumental, Breadcrumb. We'll be right back. D.O.C.'s est un groupe de garage rock psychédélique américain, originaire de San Francisco en Californie, mené par le multi-instrumentiste John Dwyer, figure de proue de la scène garage californienne. La formation n'a cessé de changer d'aspect au fil des années, débuté comme un projet solo freak folk au début des années 2000, pour dériver progressivement vers un son beaucoup plus garage. Assez récemment, elle a même poussé l'aventure musicale vers un rock progressif, en intégrant des sons de vieux claviers des années 70, chers à certains groupes allemands tels que Can ou Tangerine Dream. Mais le titre, qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, marque un retour aux sources. Du garage punk et plus instinctif, Look at the Sky, issu de leur album Sources 80, sorti le 9 août 2024 chez Castle Face Records, est comme un uppercut pris en pleine poire, un matin au réveil, en guise de bonsoir. 1, 2, 3, 4, look at the fucking sky. 1, 2, 3, 4, you don't fucking like. 1, 2, 3, 4, look at the fucking sack. I don't wanna live, I don't wanna die. Oh, you know what? We love before we die. 5, 6, 7, 8, why do we annihilate? To violate and to contemplate. 1, 2, 3, 4, look at the fucking sack. Alors après ce boucan, Jérôme, tu vas nous parler de quelque chose de bien plus calme ? Oui, on va passer à la douceur dans ce monde de brut. Ça va faire un peu de bien. Voici le titre « Come Wander With Me, viens te balader avec moi » du compositeur Jeff Alexander, connu pour avoir composé des musiques de films et de séries entre 1947 et 1970. On lui doit notamment l'orchestration et les arrangements vocaux de la chanson « Chantons sous la pluie » tirée de la célèbre comédie musicale de Stanley Donen avec Gene Kelly, Singing in the Rain. He said, come wander with me, love. Come wander with me. Away from this sad world. Come wander with me. He came from the sunset. He came from the sea. He came from my sorrow and can love only me. On y pris un peu par le temps, donc on n'écoutera pas le morceau en entier. Voilà, les générations rock, c'est fini. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Merci aussi à toi, Marc. De rien, il n'y a pas de quoi. Et merci à Jérôme pour ta participation active. Et merci à toi, Stéphane. On rappelle où on peut écouter ta musique. Sur Bandcamp, en tabulant Mi Media Narendra, donc Narendra, N-A-R-A-N-J-A, dans la barre de recherche du site, et l'album s'appelle The Jetty. Alors, si vous avez pris l'émission en route, le podcast sera disponible sous 24 heures sur la page de Radio Fadjet, page sur laquelle vous pouvez aussi retrouver toutes les archives des émissions, ainsi que le lien vers Facebook. Après le top horaire, Agathe vous attend avec ses Y-Girls pour du rock féminin, et à partir de 22h, programmation 100% rock sur notre antenne. Bonne soirée à tous, ciao ciao. Ciao.